Chapitre 158e, l'enlèvement. Dans les intervalles de ce sommeil réparateur qui suit les grandes fatigues, l'esprit semble avoir conquis une double puissance, la faculté d'apprécier le bien-être de la situation et la faculté de veiller sur le corps dont la prestation est semblable à la mort. André, revenu au sentiment de la vie, ouvrit les yeux et vit à ses côtés la servante qui dormait. Elle entendit le pétillement joyeux de l'âtre et admira ce silence ouaté de la chambre où tout reposait comme elle. Cette intelligence n'était pas toute la veille. Ce n'était pas non plus tout le sommeil. André prenait plaisir à prolonger cet état d'indécision, de molle somnolence. Elle laissait les idées renaître l'une après l'autre dans son cerveau fatigué, comme si elle eût craint l'invasion subite de sa raison tout entière. Soudain, un vagissement lointain, faible, perceptible à peine, arriva jusqu'à son oreille, à travers l'épaisseur de la cloison. Ce bruit rendit à André les tressaillements qui l'avaient tant fait souffrir. Il lui rendit ce mouvement haineux qui, depuis quelques mois, troublait son innocence et sa bonté, comme le choc trouble un breuvage dans les vases où sommeil la lit. De ce moment, il n'y eut plus pour André de sommeil ni de repos, elle se souvenait, elle haïssait. Mais la force des sensations est d'ordinaire en raison des forces corporelles. André ne trouva plus cette vigueur qu'elle avait manifestée dans la scène du soir avec Philippe. Le cri de l'enfant lui frappa le cerveau comme une douleur d'abord, puis comme une gêne. Elle en vint à se demander si Philippe, en éloignant cet enfant avec sa délicatesse accoutumée, n'avait pas été l'exécuteur d'une volonté un peu cruelle. La pensée du mal qu'on souhaite à une créature ne répugnait jamais autant que le spectacle de ce mal. André, qui exécrait cet enfant invisible, cette idéalité, André, qui désirait sa mort, fut blessé d'entendre crier le malheureux. « Il souffre, » pensa-t-elle. Et aussitôt elle se répondit, « Pourquoi m'intéresserais-je à ses souffrances, moi, la plus infortunée des créatures vivantes ?» L'enfant poussa un nouveau cri, plus articulé, plus douloureux. Alors André s'aperçut que cette voix semblait éveiller en elle une voix inquiète. Il sentit son cœur tiré comme par un lien invisible vers l'être abandonné qui gémissait. Ce qu'avait pressenti la jeune fille se réalisait. La nature avait accompli l'une de ses préparations. La douleur physique, cette puissante attache, venait de souder le cœur de la mère au moindre mouvement de son enfant. « Il ne faut pas, » pensa André, « que ce pauvre orphelin crie en ce moment, crie vengeance contre moi vers le ciel. Dieu a mis dans ces petites créatures, à peine écloses, la plus éloquente des voix. On peut les tuer, c'est-à-dire les exempter de la souffrance. On n'a pas le droit de leur infliger une torture. Si l'on en avait le droit, Dieu ne leur aurait pas permis de se plaindre ainsi. » André souleva la tête et voulut appeler sa servante, mais sa faible voix ne put réveiller la robuste paysanne. Déjà l'enfant ne gémissait plus. « Sans doute, » pensa André, « la nourrice est arrivée, car j'entends le bruit de la première porte. Oui, l'on marche dans la chambre voisine, et la petite créature ne se plaint plus. Une protection étrangère s'étend déjà sur elle. » Et rassure son informe intelligence. Oh, celle-là est donc la mère qui prend soin de l'enfant. Pour quelques écus, l'enfant sorti de mes entrailles trouvera une mère, et plus tard, passant près de moi, qui étant souffert, près de moi, dont la vie lui causa la vie, cet enfant ne me regardera pas, et dira, ma mère, à une mercenaire plus généreuse en son amour intéressé que moi dans mon juste ressentiment. Cela ne sera pas. J'ai souffert, j'ai acheté le droit de regarder cette créature en face. J'ai le droit de la forcer à m'aimer pour mes soins, à me respecter pour mon sacrifice et mes douleurs. » Elle fit un mouvement plus prononcé, rassembla ses forces et appela « Marguerite ! Marguerite !» La servante s'éveilla lourdement et sans bouger de son fauteuil où la clouait un engourdissement presque léthargique. « M'entendez-vous ? » dit André. « Oui, madame, oui, » dit Marguerite qui venait de comprendre. Il s'approcha du lit. « Madame veut boire ? Non. Madame veut savoir l'heure, peut-être ? Non, non. » Et ses yeux ne quittaient point la porte de la chambre voisine. « Ah, je comprends. Madame veut savoir si monsieur son frère est revenu. » On voyait André lutter contre son désir avec toute la faiblesse d'une âme orgueilleuse, avec toute l'énergie d'un cœur chaud et généreux. « Je veux, » articula-t-elle enfin, « je veux. Ouvrez donc cette porte, Marguerite. » « Oui, madame. Ah, comme il fait froid par là. » « Le vent, madame, quel vent !» Le vent s'engouffra en effet dans la chambre même d'André et secoua la flamme des bougies et de la veilleuse. « C'est la nourrice qui aura laissé une porte ou une fenêtre ouverte. Voyez, Marguerite, voyez, Cet enfant doit avoir froid. » Marguerite se dirigea vers la chambre voisine. « Je vais le couvrir, madame, » dit-elle. « Non, non, » murmura André d'une voix brève et saccadée. « Apportez-le-moi. » Marguerite s'arrêta au milieu de la chambre. « Madame, » dit-elle doucement, « M. Philippe avait bien recommandé qu'on laissât l'enfant là-bas, de peur sans doute d'incommoder madame ou de lui causer une émotion. « Apportez-moi mon enfant !» s'écria la jeune mère avec une explosion qui dut briser son cœur. Car de ses yeux, restés secs au milieu même des souffrances, jaillirent deux larmes auxquelles durent sourire dans le ciel les bons anges protecteurs des petits-enfants. Marguerite s'élança dans la chambre. André, sur son séant, cachait son visage dans ses mains. La servante rentra aussitôt, la stupéfaction sur le visage. « Eh bien ?» dit André. « Eh bien, madame, il est donc venu quelqu'un ?»« Comment quelqu'un qui ?»« Madame, l'enfant n'est plus là. »« J'ai entendu en effet du bruit tout à l'heure, » dit André. « Des pas. La nourrice sera venue pendant que vous dormiez. Elle n'aura pas voulu vous réveiller. »« Mais mon frère, où est-il ? Voyez dans sa chambre. » Marguerite courut à la chambre de Philippe. « Personne. »« C'est étrange, » dit André avec un battement de cœur. « Mon frère sera-t-il déjà ressorti sans me voir ?»« Ah, madame !» s'écria tout à coup la servante. « Qu'y a-t-il ? La porte de la rue vient de s'ouvrir. Voyez, voyez !»« C'est monsieur Philippe qui revient. Entrez, monsieur, entrez !» Philippe arrivait en effet. Derrière lui, une paysanne, enveloppée d'une grossière mante de laine rayée, faisait à la maison ce sourire bienveillant dont le mercenaire salue tout nouveau patronage. « ma sœur, me voici, » dit-il en pénétrant dans la chambre. « Bon frère, que de peine, que de chagrin je te cause. Ah, voici la nourrice. Je craignais tant qu'elle ne fût partie. »« Partie ? Elle arrive. Elle revient, veux-tu dire ? Non, je l'ai bien entendue tout à l'heure, si doucement qu'elle marcha. » « Je ne sais ce que tu veux dire, ma sœur. »« Personne. Oh, je te remercie, Philippe, » dit André en l'attirant près d'elle et en accentuant chacune de ses paroles. « Je te remercie d'avoir si bien auguré de moi que tu n'aies pas voulu emporter cet enfant sans que je l'eusse vu et embrassé. Philippe, tu connaissais bien mon cœur. Oui, oui, sois tranquille. J'aimerais mon enfant. » Philippe saisit et couvrit de baisers la main d'André. « Dis à la nourrice de me le rendre, » ajouta la jeune mère. « Mais, monsieur, » dit la servante, « vous savez bien que cet enfant n'est plus là. »« Quoi ? Que dites-vous ? » répliqua Philippe. André regarda son frère avec des yeux effarés. Le jeune homme courut vers le lit de la servante. Il chercha, et ne trouvant rien, poussa un cri terrible. André suivait ses mouvements dans la glace. Elle le vit revenir pâle, les bras inertes. Elle comprit une partie de la vérité et répondit comme un écho, par un soupir, au cri de son frère. Elle se laissa tomber sans connaissance sur l'oreiller. Philippe ne s'attendait ni à ce malheur nouveau, ni à cette douleur immense. Il rassembla toute son énergie, et à force de caresses, de consolations, de larmes, il rappela André à la vie. « Mon enfant !» murmurait André. « Mon enfant !»« Sauvons la mère !» se dit Philippe. « Ma sœur, ma bonne sœur, nous sommes tous fous à ce qu'il paraît. Nous oublions que son beau docteur a emporté l'enfant avec lui. « Le docteur ?» crie André avec la souffrance du doute, avec la joie de l'espoir. « mais oui !» « Ah, mais on perd la tête ici !»« Philippe, tu me jures !»« Chère sœur, tu n'es pas plus raisonnable que moi. Comment veux-tu que cet enfant ait pu disparaître ?» Il affecta un rire qui gagna nourrice et servante. André se ranima. « Cependant, j'ai entendu, » dit-elle. « Quoi ? Des pas ?» Philippe frissonna. « Impossible, tu dormais. Non, non, j'étais bien éveillé. J'ai entendu. »« Eh bien, tu as entendu ce bon docteur qui... » revenu derrière moi parce qu'il craignait pour la santé de cet enfant, sera venu l'emporter. Il m'en avait parlé d'ailleurs. Tu me rassures. Comment ne te rassurerais-je pas ? C'est si simple. Mais alors moi, objecta la nourrice, moi, que fais-je ici ? C'est juste. Le docteur vous attend chez vous. Oh ! Chez lui alors ? Voilà. Cette Marguerite dormait si fort qu'elle n'aura rien entendu de ce que le docteur disait, ou que le docteur n'a rien voulu dire. André retomba plus calme après cette terrible secousse. Philippe congédia la nourrice et consigna la servante. Puis, prenant une lampe, il examina soigneusement la porte voisine, trouva une porte du jardin ouverte, vit des empreintes de pas sur la neige et suivit ces empreintes jusqu'à la porte du jardin où elles aboutissaient. « Des pas d'homme !» s'écria-t-il. « L'enfant a été enlevé. Malheur ! Malheur !»